du mal à sortir mes démons. L'embolie de la prochaine, du mal à sortir mes démons. L'embolie de la prochaine, je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise.